Les nuits de France Culture jusqu'à 6h du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. Il y a une faille dans le réel. Le monde réel est rationnel et travaillé par de l'irrationnel et de l'impossible. Le sens du monde n'est pas stable et univoque, mais fondamentalement ambivalent. C'est ce que découvre Robert Musil dans son exploration, au départ scientifique, du réel et ce qui le pousse à creuser ses propres théories de la connaissance. Son chemin sera l'écriture. L'écrivain autrichien explorera tous les champs du possible avec Ulrich, son homme sans qualité, qui cherche, sans fin, l'idéal. Ce sont précisément ces désarrois du professeur Robert Musil que visite Olivier Biegelman pour cette nuit magnétique. Nuit magnétique, bonsoir. Vous êtes à l'exposition Robert Musil, est-ce que vous connaissez ? Non, je ne connais pas du tout, je ne peux pas répondre. Vous ne l'avez jamais lu ? Non, non. Son nom vous disait quelque chose ? Non. Et vous êtes venu à l'exposition par hasard ? Oui. Oui. Et vous avez l'impression que ça vous donne une idée du personnage qu'était Musil ? Bah oui. Je sais pas trop quoi vous répondre. Hein. Merci. Et là, en regardant l'exposition, ça vous donne envie de le connaître plus ? En lisant ses livres, hein ? Oui. Mais ils doivent pas être donnés, hein ? Pardon ? Ils doivent coûter cher, ces livres. Vous croyez ? Oui. J'ai l'impression qu'en général, ils coûtent trop cher, les livres. Il y a tous les prix. Hein. Oui. Vous pensez que ceux de Musil sont chers ? Ben non. Ils sont comme les autres. Hein. Oui. Et vous avez envie de le lire ou pas ? Non, c'est rien. Non. Elle vous plaît, l'exposition ? Je dis pas plus que ça. Hein. Bon, c'est pas mal, bon. Il y avait un film qui s'appelait Les désarrois de l'élève Thorless d'après son roman. Vous avez peut-être vu le film ? Non, du tout. Non. C'était en couleur ou quoi ? C'était en noir et blanc. Ah bon ? C'est un film qui était sorti en 1966. Non. Je connais pas du tout. Ouais. Les désarrois du professeur Robert Musil, Olivier Biegelman, Mehdi Eladio. Les grands écrivains vus de dos. Dans le monde intellectuel, le grand écrivain a succédé au prince de l'esprit comme les riches au prince dans le monde politique. De même que le prince de l'esprit appartient au temps des princes, le grand écrivain appartient au temps des grandes guerres et des grandes maisons de commerce. C'est un des aspects particuliers de l'association avec les grandes choses. Le moins que l'on exige d'un grand écrivain est donc qu'il possède une voiture. Il doit voyager beaucoup, être reçu par les ministres, faire des conférences, donner au maître de l'opinion publique l'impression qu'il représente une force de la conscience à ne pas sous-estimer. Il est le chargé d'affaires de l'intelligence nationale lorsqu'il s'agit d'exporter de l'humanisme à l'étranger. Quand il est chez lui, il reçoit des hôtes de marque et n'en doit pas moins penser sans cesse à ses affaires qu'il lui faut traiter avec la dextérité d'un artiste de cirque dont les efforts doivent passer inaperçus. Le grand écrivain, en effet, n'est pas simplement un écrivain qui gagne beaucoup d'argent. Il n'est pas du tout nécessaire que ce soit lui qui ait écrit le livre le plus lu de l'année ou du mois. Il suffit qu'il ne trouve rien à redire à cette sorte d'évaluation. Il siège dans tous les jurys, signe tous les manifestes, écrit toutes les préfaces, prononce tous les discours d'anniversaire, donne son opinion sur tous les événements importants et se voit appelé partout où il s'agit de célébrer les résultats obtenus dans tel ou tel domaine. Le grand écrivain, en effet, dans toutes ses activités, ne représente jamais l'ensemble de la nation, mais seulement sa section la plus avancée, la grande élite au moment précis où elle va devenir la majorité, et cela l'entoure d'une excitation intellectuelle durable. Bien entendu, c'est l'évolution actuelle de la vie qui conduit à la grande industrie de l'esprit. De même qu'inversement, l'industrie tend à l'esprit, à la politique et à la maîtrise de la conscience publique. Ces deux phénomènes se rencontrent à mi-chemin. C'est pourquoi le rôle du grand écrivain ne renvoie pas tant à une personne définie qu'il ne représente une figure sur l'échiquier social, soumise à la règle du jeu et aux obligations que l'époque a créées. Les mieux-pensants de nos contemporains estiment que l'existence des grands esprits leur est de peu d'avantage. Il y a déjà tant d'esprits dans le monde qu'une petite différence en plus ou en moins n'y sera pas sensible, et de toute façon, chacun pense n'en pas manquer. Mais que ce qu'il faut, c'est combattre son absence, c'est-à-dire le montrer, l'afficher, le mettre en valeur. Et comme un grand écrivain s'entend mieux à cela qu'un écrivain tout court, fût-il plus grand, parce que ce dernier serait peut-être compris d'un moins grand nombre de lecteurs, on fait son possible pour que la grandeur soit enfin produite en gros. Ouais, looking, I'll be cooking, I'll be finding somebody. Nobody knows where the riverside comes. Say there are strays on the banks of the river. Somebody pulls out a big fat gun. Shoot him down, he's the one with the hands and blood. Shoot him down, he's the one with the hands and blood. Shoot him down, he ain't no good. He's the savior, he's yours, he's mine, mine, mine, mine. Stretching on the wretching and I'm looking for the riverside. Stretching on the wretching. Robert Musil, vous connaissez ? Un peu, beaucoup, pas du tout ? Loin d'être populaire, il passe plutôt pour ce qu'on a coutume d'appeler un écrivain difficile. Une expo à Beaubourg et quelques tables rondes, organisées pour le centenaire de sa naissance, le feront peut-être sortir du purgatoire. N'y a-t-il pas matière à amusement dans le fait que l'archétype même du grand écrivain et tourner en dérision avec autant de férocité sa propre figure mythique, et nous essouffler dans le tuyau de l'oreille que la littérature était en passe de devenir quelque chose de moribond, un préjugé du passé. Le grand écrivain, vu de face. La véritable difficulté de la vie d'un grand écrivain tient au fait que si l'on peut, dans la vie intellectuelle, agir en commerçant, une vieille tradition vous oblige encore à y parler en idéaliste. Cette association du commerce et de l'idéalisme occupait dans les efforts d'Arnheim une place privilégiée. De nos jours, on trouve de ces associations inactuelles un peu partout. Quand les morts, par exemple, sont conduits au cimetière au trot des chevaux vapeur, on ne renonce pas pour autant dans un beau convoi à poser sur le toit de la voiture un casque avec deux épées en croix. Il en va de même dans tous les domaines. L'évolution de l'humanité est un cortège qui s'étire interminablement. Et de même que l'on ornait encore les lettres d'affaires d'il y a environ deux générations, de toutes les fleurs bleues de la rhétorique, on pourrait aujourd'hui exprimer toutes les relations intellectuelles, de l'amour à la logique pure, dans le langage de l'offre et de la demande, de l'escompte et de la provision, au moins aussi bien qu'on le fait en termes psychologiques ou religieux. Mais on ne le fait pas. La raison en est que ce nouveau langage est encore trop incertain. De nos jours, le financier ambitieux se trouve dans une situation difficile. S'il veut être sur un pied d'égalité avec les antiques puissances de l'être, il lui faut rattacher son activité à de grandes idées. Mais de grandes idées auxquelles on croirait sans réserve, il n'en existe plus. Notre sceptique présent ne croit plus ni en Dieu ni en l'humanité. Il n'a plus de respect pour les couronnes ni pour la morale, ou il croit en tout cela à la fois, ce qui revient au même. C'est ainsi que le commerçant à qui la grandeur est aussi indispensable qu'une boussole a dû recourir à ce tour de passe-passe démocratique qui consiste à remplacer l'efficacité non mesurable de la grandeur par la grandeur mesurable de l'efficacité. N'est grand désormais que ce qui passe pour tel. Cela signifie aussi qu'en fin de compte, sera grand tout ce qu'une publicité, bien entendu, proclame telle, et il n'est pas donné à tout le monde d'avaler sans difficulté ce noyau des noyaux de notre temps. Qui était Robert Musil ? Les dates peuvent-elles nous apprendre quelque chose ? Sans doute Musil se serait-il montré sceptique. Disons simplement qu'entre 1880, date de sa naissance à Klagenfurt, et 1942, date de sa mort à Genève, il a eu tout le temps d'être cadet dans un internat militaire, de décrocher un diplôme d'ingénieur, métier qu'il n'exercera jamais, d'étudier les mathématiques, la philosophie, la logique et la psychologie expérimentale à Berlin, et bien sûr d'écrire des livres. Une grosse tête Musil, qui a mangé beaucoup de vaches enragées. De son vivant, seuls les désarrois de l'élève Torless, roman publié en 1906, lui apportèrent quelques notoriétés. Pour le reste, et pour l'homme sans qualité surtout, cette énorme machine romanesque à laquelle il travailla pendant plus de 20 ans et qu'il laissa inachevée, ses écrits passèrent inaperçus. Solitaire, il ne quitta Vienne ou Berlin qu'au moment de l'Anschluss pour émigrer en Suisse. Mieux qu'un alignement de dates, le témoignage de Martin Flinker, un libraire viennois qui l'a connu de son vivant, nous aidera à esquisser la silhouette de Musil. Il est venu dans ma librairie. J'avais à Vienne une grande librairie, très connue, un centre culturel presque. Et il est entré chez moi. Il était curieux. Je me souviens, il a commencé à me parler. J'ai demandé, monsieur, qui êtes-vous? Il m'a répondu tout court, Musil. C'est dire, il a pris ça comme naturel, qu'on sache qui est Musil. Et si j'essaie aujourd'hui, après plus de 45 ans, de parler de Robert Musil, de sa première visite à ma librairie, comme de ses visites postérieures, de toutes les rencontres et conversations échangées avec lui, si je me force d'évoquer des souvenirs attachés à une époque très loin, j'ai devant moi l'image d'un homme d'environ 50 ans, chauve, atteint d'un léger embonpoint, au regard un peu scrutateur. Ça, c'est typique pour lui. Il était plutôt toujours triste. Il vous a regardé en vous scrutant. Et d'ailleurs, c'est de lui un mot, je n'aime pas les blagues et les plaisanteries. Et dans sa vie non plus. Dans une première impression que j'ai eue, il faisait l'impression d'un homme tout à fait civil, presque commerçant. Il était un embonpoint, certains étaient chauves, et il était très simple, très timide et très réservé. On ne pouvait pas deviner que c'est un grand romancier. Mais ça, il est resté comme ça d'ailleurs toute la vie, toujours réservé, de sorte que, pour vous dire tout de suite, j'avais des rapports très amicaux avec, par exemple, Thomas Mann. Thomas Mann dégageait une chaleur. C'était un plaisir d'être à côté, en face de Thomas Mann. Chez Musil, aucun sentiment humain. Et je me suis demandé pourquoi. Et je crois d'avoir trouvé la raison. Musil n'aimait personne. Vous pensez vraiment ça ? Je suis presque sûr. Il était solitaire même pour sa propre femme, je crois. D'ailleurs, il n'a jamais parlé de sa femme. Il aurait été normal de me dire une fois, montez chez moi, venez chez moi. Jamais. Il n'a même pas fait aucune allusion à sa vie privée. Mais il était triste. Et il y a beaucoup de photos de lui. Sur aucune photo, on le voit voit rire. Il est toujours triste. Et, mais il n'avait même pas des amis à Vienne. Il avait beaucoup qui voulaient être ses amis. Mais il n'a, j'ai lu quelque part, même dans le café, il aimait beaucoup le café viennois. C'était l'endroit où on faisait la littérature. C'est typique. Alors, il a toujours cherché une table à part. Même quand il y avait des amis dans le même café, il a cherché une table à part. Il a fallu le rejoindre par la suite. Donc, il était un solitaire. Et c'est pour ça qu'il n'a dégagé... Je ne peux pas dire que j'avais trop de sympathie pour lui. Mais il était presque dévoré par une ambition et par une jalousie. Pour lui... Aucun auteur était digne d'être lu, d'être vu. Même Thomas Mann. Au début, il parlait mal de Thomas Mann. Mais quand il a appris que Thomas Mann était intervenu pour lui, il a dit, mot à mot, il m'a dit à moi, vous croyez que je me suis peut-être trompé dans la personne de Thomas Mann. Mais la preuve en est autre. J'ai demandé un jour, Monsieur Mouzil, quel est votre avis, un des meilleurs auteurs actuels? D'ailleurs, j'ai posé cette question pour mon almanach. Imaginez-vous, dans une époque où il y avait des livres de Musil, de Kafka, de Thomas Mann, de Stefan Zweig, vous savez ce qu'il m'a répondu comme meilleur auteur? F. Curie. Parce que F. Curie était pour lui une femme savante, une femme qui était femme de science, elle avait le droit d'écrire. Tandis que les autres, ils ne le connaissaient même pas. Vienne, début du siècle, on dirait que la décadence et l'invention en matière artistique y font bon ménage. Vermoulu, les mots et les formes romanesques existantes n'ont plus qu'à faire peau neuve, histoire oblige. Ici, il faut faire une nette différence entre la vie à Vienne sous l'Empire François-Joseph et après la disparition de l'empereur et surtout l'arrivée du fascisme. Parce que quand hier, ou avant-hier à Beaubourg, on m'a demandé à partir de quand, jusqu'à quand la vie à Vienne était comme on la connaît, j'ai répondu jusqu'à 1938. Parce qu'on croyait que c'est avec la défaite de 1918, c'est pas vrai. C'est une sorte de la loi d'inertie. Les gens de la Tchécoslovaquie, les gens de la Hongrie, de la Yougoslavie, considéraient encore Vienne comme capitale. De sorte que Kafka, Roth, Freud qui est né à Moravie, Kafka, ils ont considéré comme leur pays spirituel, leur pays patrie, l'Autriche. Et ça a duré jusqu'à... Et ça a donné à Vienne la gloire. D'ailleurs, tout le monde sentait... D'ailleurs, la musique, la littérature, c'était l'époque des plus grands auteurs. Wittgenstein, de cette époque. Kafka, Roth, Musil, Zweig, je peux citer. Thomas Mann est venu à Vienne. Tout le monde était content après la défaite de 1918, après la disparition de l'Empire. On considérait, mais à partir de 1938, c'était fini. Vienne est une ville qui n'est pas située au cœur des terres allemandes, qui est marginale par rapport même à l'Empire austro-hongrois. Pierre-Yves Pétillon. Et c'est à la fois l'empire du milieu, le milieu de l'Europe, la Chine de l'Europe, comme l'a dit un diplomate, et en même temps une ville de confins et de marges proches de ce qui fut à un moment donné la frontière de l'Europe, l'Ostmark, aux frontières de l'étrange. Et il y a cette espèce de jeu dont Törleß est un très bon exemple. Entre le centre de l'Empire et les franges où toute vision claire du vécu se trouble. Et la beauté d'un certain nombre de textes viennois, c'est d'avoir réussi précisément à articuler des problèmes d'ordre psychologique sur l'irruption de l'irrationnel, le trouble érotique, les émois adolescents pour ce qui est de Thurless, ou la perte du langage, la lisière de l'aphasie, d'avoir articulé pour ce qui est de Lord Chandos, d'avoir réussi à trouver une espèce d'analogue de ça sur la carte même de l'Europe, visualisant pour ainsi dire des problèmes d'ordre privé et personnel, les visualisant sur l'écran d'une carte historique. Une petite gare sur la ligne de Russie. À perte de vue dans les deux sens, quatre voies parallèles s'allongeaient en ligne droite sur un large remblai couvert de ballastes jaunâtres. À côté de chaque voie, comme une ombre sale, la trace noire inscrite sur le sol par les jets de vapeur brûlante. La route qui montait vers le débarcadère de la gare, une bâtisse basse peinte à l'huile, était large et défoncée. Ses bords se seraient confondus avec le terrain bourbeux d'alentour si ne les avaient jalonnés deux rangées d'acacias, pressant tristement de chaque côté leurs feuilles desséchées, suffoquées par la poussière et le charbon. Était-ce le fait de ces couleurs tristes? Était-ce la lumière du soleil couchant, blême, faible, épuisée par la brume? Les choses et les êtres avaient un tel air d'indifférence, d'insensibilité machinale, qu'on les aurait cru échapper d'un théâtre de marionnettes. À intervalles réguliers, le chef de gare sortait de son bureau, tournait la tête, toujours selon le même ordre, dans la direction des signaux qui s'obstinaient à ne pas annoncer l'arrivée de l'express, retardé considérablement à la frontière. Puis il tirait sa montre, avec toujours le même mouvement du bras, il hochait la tête, et il disparaissait de nouveau, comme font ces petits personnages d'anciennes horloges quand sonnent les heures. Le mot de faille est un mot absolument capital. Georges Schlocker. Parce que là, nous retrouvons la littérature autrichienne et la littérature de langue allemande en général. Ce que la littérature autrichienne du début du siècle, n'est-ce pas, a introduit dans les lettres allemandes, au moins, sinon européennes. Par là, nous sommes obligés de nous souvenir au premier chef d'un texte assez court de Hugo von Hofmannsthal, qui précède de quelques 4 ans la rédaction de Thurless, et qui s'appelle « La lettre de Lord Chandos ». Cette lettre est vraiment, pour la littérature allemande, et pas seulement pour elle, est l'introduction de la nouvelle sensibilité et de l'expérience capitale d'un certain scepticisme vis-à-vis du langage, dans l'énoncé littéraire et dans l'appréhension, naturellement, du réel. Puisque dans cette lettre se trouvent les fameuses phrases où Lord Chandos dit qu'il ne peut plus rien dépeindre parce que les mots tombent en miettes sous sa langue, n'est-ce pas, comme des champignons vermoulus. Bon, alors, dans ces quelques mots, dans cette métaphore, Hofmannsthal a donné le « la » pratiquement pour une grande partie de la littérature européenne. Revenons-en à l'élève Thurless. Par-delà la relation persécuté-persécuteur, dans le vase clos d'un interlat, le jeune Thurless, que ce soit par la découverte de la sexualité et de l'hypocrisie dont l'entoure la bourgeoisie dont il est issu, ou de l'existence en mathématiques de nombres imaginaires, découvre qu'il y a une faille dans le réel, que le monde réel et rationnel est travaillé par de l'irrationnel et de l'impossible. Bref, que le sens du monde n'est pas stable et univoque, mais fondamentalement ambivalent. C'est ça son désarroi. Pour Musil, on ne veut pas dire autant, n'est-ce pas? Parce que Musil, c'est vraiment le sceptique par excellence dans sa position vis-à-vis de beaucoup de phénomènes, à commencer par l'individu. Ça, c'est vrai. Il n'est pas celui pour qui écrire équivaut à postuler à chaque fois la scission du mot. Ce n'est pas exact, n'est-ce pas? Parce qu'il est en possession d'un langage qui est très ferme, qui est très palpable, n'est-ce pas? Ou de l'extérieur, d'abord, nous ne voyons pas cette faille. Mais, par le double fond dont il était question, évidemment, s'introduit le doute, ou plus exactement, la polyvalence des significations auxquelles vous vous référez. Et c'est la raison pour laquelle, sans Hofmannsthal, n'est-ce pas, il n'y aurait pas l'ouverture dont a profité Musil. Le scepticisme vis-à-vis de l'expression prend son essor, et ça veut dire que le langage est ressenti non pas comme une réalité qui peut avoir ses propres lois, normative ou non, je pense à la grammaire, à la syntaxe, etc. Mais comme un élément de médiation. Et du moment que nous introduisons l'expérience de la médiation, que nous postulons d'un côté la réalité et de l'autre côté sa traduction, avec transposition impossible, eh bien, voilà, en face de nous, cette faille, qui est la faille de Hofmannsthal et celle de Musil aussi et de toute son œuvre. Dans le prolongement de Torless, Ulrich, le héros de l'homme sans qualité, sera l'homme du possible. C'est-à-dire que, refusant le monde stable des apparences, et constatant qu'une chose peut aussi bien signifier son contraire, il expérimente le champ du possible, de toutes les significations possibles, sans se fixer à aucune. Le cadre du roman n'est plus un internat, mais l'action parallèle, terme par lequel l'auteur désigne la mascarade que les hautes sphères du gouvernement austro-hongrois donnent en spectacle. Au fait, un homme sans qualité, qu'est-ce que c'est? Musil nous le dit, et c'est très simple. Un homme sans qualité se compose de qualité sans homme. Jadis, l'on avait meilleure conscience à être une personne qu'aujourd'hui. Les hommes étaient semblables à des épis dans un champ. Ils étaient probablement plus violemment secoués qu'aujourd'hui par Dieu, la grêle, l'incendie, la peste et la guerre. Mais c'était dans l'ensemble, municipalement, nationalement, c'était en tant que champ, et ce qui restait à l'épi isolé de mouvement personnel était quelque chose de clairement défini, dont on pouvait aisément prendre la responsabilité. De nos jours, au contraire, le centre de gravité de la responsabilité n'est plus en l'homme, mais dans les rapports des choses entre elles. N'a-t-on pas remarqué que les expériences vécues se sont détachées de l'homme? Elles sont passées sur la scène, dans les livres, dans les rapports des laboratoires et des expéditions scientifiques, dans les communautés religieuses ou autres, qui développent certaines formes d'expérience aux dépens des autres, comme dans une expérimentation sociale. Dans la mesure où les expériences vécues ne se trouvent pas précisément dans le travail, elles sont tout simplement dans l'air. Qui oserait encore prétendre aujourd'hui que sa colère soit vraiment la sienne, quand tant de gens se mêlent de lui en parler et de s'y retrouver mieux que lui-même? Il s'est constitué un monde de qualité sans hommes, d'expériences vécues sans personne pour les vivre. On en viendrait presque à penser que l'homme, dans le cas idéal, finira par ne plus pouvoir disposer d'une expérience privée et que le doux fardeau de la responsabilité personnelle se dissoudra dans l'algèbre des significations possibles. Au fond, la différence entre un homme sans qualité et un homme à qualité peut très bien ne pas apparaître du tout, en ce sens que c'est essentiellement une question d'attitude à l'égard des qualités que l'on a et de l'utilisation qu'on essaie d'en faire. Jacques Bouvresse. Ulrich, c'est un homme qui a apparemment un très grand nombre de qualités. Il est très très doué dans toutes sortes de domaines. Mais ce qui le différencie de la plupart des gens de son entourage, c'est qu'au fond, il a décidé de se mettre en congé de la vie, essentiellement pour chercher quel usage il pourrait bien faire de ses qualités. Alors que la plupart des gens, en général, ne se posent même pas la question et en fait n'ont pas le temps de se la poser. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme une définition. Il faut voir qu'il y a Il y a quelque chose de tout à fait artificiel dans la position d'Ulrich, évidemment. Il faut tenir compte du fait que c'est un homme qui il n'a pas de problème d'argent. Il peut se payer le luxe de se poser cette question que la plupart des gens n'ont même pas la possibilité de se poser, parce que, dans leur cas, l'entrée dans la vie se fait de façon absolument insensible, jusqu'au moment où il se retrouve dans cette situation où, comme dit Mouzil, on adopte l'homme qui est venu à vous, alors qu'en réalité, on aurait voulu le choisir. Alors Ulrich, c'est quelqu'un qui voudrait autant que possible éviter cette situation, mais qui se trouve de ce fait dans une position complètement artificielle, parce qu'il ne veut pas se définir par une fonction, par un métier, etc. Et pouvoir simplement prendre le temps de se poser cette question est évidemment un luxe. C'est pourquoi il faut concevoir la situation d'Ulrich comme une situation qui a été choisie délibérément artificielle, bien sûr. Donc c'est un type d'homme qui est, au fond, profondément schizoïde. Mouzil dit quelque part qu'Ulrich est le représentant typique de la constitution psychologique schizoïde de l'époque. Et ça se traduit dans le fait, notamment, dans le fait que c'est un homme qui mène forcément une double vie. Comme dit Mouzil, au fond, c'est quelqu'un qui est, d'une certaine façon, parfaitement adapté à son époque, qui est capable de se lancer dans des actions comme la fameuse action parallèle, auquel par ailleurs il ne croit pas du tout. C'est-à-dire que, à bien des égards, c'est quelqu'un qui mène, si vous voulez, sur le plan social, une vie qui est tout à fait comparable à celle de la plupart des gens, mais dans la position particulière, se caractérise par la distance qu'il est capable de prendre par rapport à ça. Mais il faut bien voir que c'est en profondeur et essentiellement un homme divisé. Et je pense qu'aux yeux de Mouzil, c'est évidemment un homme de transition. Comme dit Mouzil, il y a déjà des hommes de cette espèce commencent à exister, mais ils sont encore d'un type relativement indéfini. Il ne faut pas oublier que pour Mouzil, la caractéristique essentielle de l'époque, c'est l'indétermination et l'instabilité. C'est-à-dire le type d'homme représenté par Ulrich est au fond le reflet de cette indécision fondamentale de l'époque. C'est une époque qui est incapable de se déterminer et qui se livre à des tentatives de détermination que Mouzil considère pour l'essentiel comme illusoires. Mouzil dit qu'il faut essayer de découvrir une méthodologie de ce qu'on ne sait pas, une méthodologie de l'ignorance. Et la pire solution est ce qui consiste à se réfugier immédiatement dans la croyance. Bien sûr, c'est aux yeux de Mouzil ce genre d'attitude qui est responsable, en particulier, de la guerre. Le fond même du roman est tout de même basé sur une quête existentielle, à mon avis. Marie-Louise Roth. C'est la recherche tout de même des possibilités d'être de l'homme. Et ça, c'est tout de même quelque chose d'éthique. C'est une recherche d'une possibilité de vie différente qui peut être, au fond, expérimentée à l'infini. Mais pour reconstituer l'être nouveau. C'est la recherche d'un autre être, d'un autre homme, hein. Et il y a d'ailleurs des essais avec le titre intitulé « À la recherche d'un homme nouveau ». Je pense donc plutôt qu'il y a à la base de la recherche d'Ulrich recherche de l'être, de l'identité de l'être qui est existentielle. Et parce que finalement, ce personnage n'est pas, comme vous le dites, un être absolument construit, mais il est enraciné dans le vivant. Il y a toujours chez Mouzil l'enracinement dans le vécu. Homme nouveau, quête existentielle, enraciné dans le vécu, j'ai l'impression que Mouzil doit se retourner dans sa tombe. Enfin, tous les goûts sont dans la nature. Et la nature d'Ulrich, comme celle du texte de Mouzil, c'est l'inachèvement. Explorer l'infinité du possible, c'est-à-dire se refuser à choisir, n'est-ce pas là une démarche par définition interminable, infinie? Dans sa structure même, elle ne pouvait s'achever, car justement cette expérimentation du possible est inachevable. Et Mouzil s'en est bien rendu compte, il a écrit un chapitre justement à ce propos sur l'utopisme et l'utopisme conscient. Il se rend bien compte que l'utopie est vraiment, c'est la structure de son œuvre. Elle est utopique et cette utopie ne pourra jamais se réaliser. Et ce qui ne peut pas se réaliser ne peut pas être achevé. Donc le roman ne se serait jamais terminé. Et à la fin, Musil s'est détaché du roman dans son exil en Suisse. Il s'est consacré surtout à des aphorismes. Parce que l'aphorisme correspondait peut-être même à quelque chose de plus fermé et de plus entier à l'œuvre d'art comme il la concevait au départ dans ses œuvres dites mineures. Et il a essayé dans ses aphorismes de dire encore une fois ce qu'il pensait. Et il avait surtout comme but tout de même d'atteindre le public. Et il pensait, il espérait que peut-être, par le biais de l'aphorisme, y arriver plus facilement qu'avec ce grand roman qui ne se terminait pas. Et surtout qui ne pouvait plus terminer en raison justement des deux guerres mondiales aussi. Je crois que là, il a découvert que finalement, son espoir de faire passer son message ne se réaliserait plus. Il voyait très bien, n'est-ce pas, jusqu'où il voulait faire avancer les choses. Donc un projet global. Oui, mais attention, vous comprenez, il le prétendait. Alors là, il faut regarder de très près, n'est-ce pas? L'opinion de l'auteur est extrêmement précieuse, bien entendu. Mais est-ce que nous ne sommes peut-être pas mieux placés pour savoir, pour avoir l'opinion que vous venez de dire, à savoir que c'est un roman, finalement, d'une quête éternelle, donc inachevée, et que ce n'est pas accidentel, n'est-ce pas, que Musil ait dû renoncer à l'achever? Et à ce propos, naturellement... Il me vient à l'esprit une métaphore qui vaut ce que valent toutes les métaphores, à savoir, cette tapisserie pourrait avoir vraiment des lacunes et des endroits restés absolument blancs, où rien n'est brodé dessus. Mais pour moi, c'est une tapisserie, ce roman-là, dont les fils pendent, ne sont pas reprises et nouées comme il se doit dans une tapisserie, mais ce n'est pas que la tapisserie en elle-même soit incomplète. C'est une tapisserie où nous voyons des fils, n'est-ce pas, qui pendent et où l'auteur n'a plus rien fait. C'est une œuvre effilochée. Oui, mais dans le sens non négatif du terme, n'est-ce pas? Parce que effilocher, ça ne veut justement pas dire qu'il y ait des trous, n'est-ce pas? Mais effectivement, il y a des fils qui pendent. C'est ce que nous pouvons dire. Et il me semble que là, le scepticisme dont nous avons prôné la grande vertu, n'est-ce pas, pour le jeune Musil, ce scepticisme était certainement aussi prévalent lorsqu'il s'agissait de finir. Et c'est un inachèvement qui est d'une certaine manière constitutif. Chaque fois que j'ai réfléchi à cette question... je me suis demandé ce qu'aurait pu être ce que Musil appelle l'Ulrich vieilli d'aujourd'hui. C'est essayer d'imaginer Ulrich 20 ans après. Bon, c'est un homme qui est supposé avoir, je crois, 32 ans. Qu'est-ce que ça voudrait dire un Ulrich ayant 20 ans de plus? Songez à ce que Musil dit à propos du vieillissement. Il dit « Il n'y a pas de plus bel exemple de l'inéluctable que le rétrécissement progressif par lequel un jeune homme entre dans la peau d'un vieillard. » Et au fond, il faut essayer d'imaginer ce qui pourrait arriver à Ulrich dans cet ordre. Mais d'une certaine manière, à mes yeux, on est obligé d'imaginer Ulrich essentiellement jeune et essayant d'éterniser une situation qui ne peut précisément pas s'éterniser. Alors comment Musil aurait-il pu achever le roman? J'avoue que personnellement, je n'en ai pas d'idée parce que... Le problème fondamental posé par le roman, c'est celui de ce que j'ai appelé après Musil, la constitution psychologique schizoïde de l'époque. Et Musil aurait voulu suggérer certaines possibilités concrètes de solution de ce problème, c'est-à-dire le problème de la synthèse entre les différents éléments conflictuels qui caractérisent la mentalité de l'homme contemporain. Quelle forme concrète, précisément, est-ce que ça aurait pu prendre dans le cas d'Ulrich, c'est difficile à imaginer parce que, d'une part, évidemment, aux yeux de Musil, la science et la rationalité ne peuvent pas constituer la solution, en tout cas pas la solution complète. D'autre part, les expériences du genre de celles que Musil décrit sous le nom de l'autre état, c'est-à-dire, par exemple, le genre d'expérience qu'Ulrich a avec Agathe, ne peuvent pas non plus constituer à elles seules la solution, bien sûr, parce que, comme dit Musil, la rationalité en elle-même ne peut pas créer un ordre véritablement humain, et d'autre part, le sentiment à lui seul ne peut pas créer d'ordre du tout. L'exploration du champ du possible est d'une certaine manière une tâche infinie, mais en même temps, tout homme du possible doit être aussi un homme du réel. La différence, encore une fois, comme dit Mouzil, est surtout une différence d'attitude à l'égard des possibilités. Il est clair qu'un homme comme Ulrich est exposé à l'obligation de devoir, à un moment ou à un autre, se déterminer, c'est-à-dire de privilégier certains aspects du réel, au détriment de tout le possible qui subsiste autour d'eux. Et il faut bien voir que le vieillissement, pour Mouzil, c'est exactement ça. C'est le rétrécissement du sens du possible au profit du sens du réel. C'est un petit peu la différence qu'il y a pour lui entre l'âme et l'esprit. L'esprit, c'est la sphère de l'esprit, selon lui, c'est la sphère de la possibilisation. C'est à l'esprit qu'il appartient de repérer les possibles. Bon, l'esprit n'est pas un réalisateur. Si on regarde maintenant ce que c'est que l'âme pour Mouzil, on s'aperçoit que l'attitude de l'âme à l'égard du possible est un petit peu l'envers négatif de celle de l'esprit. C'est-à-dire, l'âme, au fond, est toujours plus ou moins liée au sentiment nostalgique des possibilités qui n'ont pas été réalisées. Autrement dit, l'âme, c'est la nostalgie de ce qui aurait pu être, mais ne l'a pas été. Tandis que l'esprit, lui, a toujours affaire à ce qui pourrait tout aussi bien être. À la place de ce qui est. Alors, on voit bien ce qu'il peut y avoir de contradictoire dans la position d'Ulrich, bien sûr, qui est un homme du possible, mais comme il veut en même temps essayer de créer un ordre nouveau, il ne faut pas oublier que c'est au fond le projet de Mouzil, mais par définition, un ordre est une injure au sens même du possible. Il dit cette chose extraordinaire que de toutes les propriétés du mot âme, la plus frappante est certainement qu'elle fasse toujours rire les jeunes gens. Bon, on est tenté d'objecter qu'au contraire, les jeunes gens sont par définition romantiques et qu'ils ne jurent que par l'âme. Mais ce qu'il veut dire, c'est que ça les fait rire justement parce qu'ils ont devant eux le champ du possible. Ils ne l'ont pas encore derrière eux. Le mot âme est toujours utilisé par des gens qui ont laissé derrière eux l'univers du possible, c'est-à-dire pour qui le mot âme se rattache toujours au sentiment de l'inaccompli. Reflected in his glass. I'm looking at the river, but I'm thinking of the sea. Thinking of the sea. Thinking of the sea. Sentiment d'une impuissance envers l'œuvre. Et quand j'ai demandé à M. Moussil quand sortira le troisième tome, il m'a dit, ne me parlez pas du troisième, je n'ai encore terminé le deuxième et je ne sais pas quand, je me suis complètement perdu. Un livre philosophique, au fond, la philosophie n'a pas de fin. Et il s'est égaré dans ce livre. Et une fois, il était sévère contre lui-même aussi. Une fois, il m'a dit, je suis un raté. Je dis, monsieur Moussil, comment êtes-vous un raté? Non, parce que je n'arrive pas à terminer mon œuvre. Ils découvrirent bientôt que s'ils le désiraient, ils pouvaient très bien ne pas quitter l'hôtel. Une large porte vitrée menait de leur chambre à un petit balcon sur la mer. On pouvait rester debout dans l'encadrement de la porte sans être vu, les yeux tournés vers cet espace qui ne répondait jamais, à l'abri de l'enlacement. Une fraîcheur bleue où demeurait jusqu'après minuit la vivante chaleur du jour, comme une fine poussière d'or montée de la mer. Les corps, tandis que les âmes en eux restaient très droites, se trouvaient comme des animaux qui cherchent la chaleur. Alors, pour les corps, le miracle se produisit. Soudain, Ulrich fut en Agathe, ou Agathe en lui. Agathe, effrayée, leva les yeux. Cherchant Ulrich hors d'elle, elle le trouva au centre de son cœur. Elle voyait bien sa personne dehors dans la nuit, enveloppé par la lueur des astres, mais ce n'était pas sa personne, seulement sa brillante et légère enveloppe. Elle voyait les astres et les ombres sans comprendre qu'ils étaient très loin. Son corps était léger et vif, et lui semblait flotter dans l'air. Un grand élan merveilleux avait saisi son cœur, avec une telle rapidité qu'elle croyait encore en sentir le heurt léger. À cet instant, le frère et la sœur se regardèrent avec stupeur. Agathe se laissa aller, à demi évanouie sur la poitrine d'Ulrich. En cet instant, elle se sentit étreindre par son frère d'une manière si ample, si calme, si pure, qu'il n'existait rien de semblable au monde. Leur corps ne bougeait pas et n'était pas changé. Pourtant, un bonheur sensuel dont ils n'avaient jamais connu l'équivalent les envahissait. Un agrément étrange, tout à fait surnaturel. Ce n'était ni une pensée, ni une imagination. Où qu'ils se touchassent, fût-ce aux hanches, aux mains ou dans les cheveux, ils pénétraient l'un dans l'autre. Tous deux furent convaincus à ce moment-là qu'ils n'étaient plus soumis aux séparations humaines. Ils avaient dépassé le stade du désir qui dépense son énergie en un acte et une brève exaltation. L'accomplissement ne leur venait pas seulement en certains endroits de leur corps, mais partout, comme un feu ne baisse pas quand un autre feu s'y allume. Ils avaient sombré dans ce feu envahissant, omniprésent. Ils étaient à flotter dedans comme dans un océan de plaisir, à y voler comme dans un firmament de délices. On dit qu'il avait à Berlin une femme très simple comme maîtresse, mais s'il avait une maîtresse, c'était la seule. Après, il a épousé cette femme, très sérieuse, très... Mais je crois qu'elle a eu une grande influence. C'est Martha. Martha. Elle était d'ailleurs de naissance juive, et comme... Et peut-être aussi elle avait une influence sur sa façon de penser aussi, je n'en sais rien, puisqu'il n'a jamais parlé de sa vie privée. Au terme de ses pérégrinations dans l'action parallèle, dont il a épuisé toutes les ressources de comique, Ulrich vit une relation incestueuse avec sa sœur Agathe. Pour Ulrich, comme pour Musil, il s'agit d'une expérience limite, à la fois érotique et mystique, qui, tendanciellement au moins, tend vers ce que l'auteur de L'Homme sans qualité appelait l'autre état. Ça sera certainement la recherche d'une félicité qui comprend en elle-même une harmonie entre toutes les tendances divergentes de l'expérience, de la pensée, des sentiments que peuvent éprouver Ulrich et Agathe. Donc, une harmonie impossible, et qui est impossible justement parce que les deux sont en proie intérieurement à ce scepticisme, et qui ne peut être vécu que dans des moments où intelligence et moralité concordent, ce qui est déjà extrêmement rare, n'est-ce pas, et trouvent leur assouvissement. C'est là un mysticisme sans Dieu, bien évidemment, mysticisme immanent, si on peut l'appeler ainsi, et qui aboutit à la plénitude du moment. Recherche faustienne, donc, de nouveau très connue de l'esprit germanique. Voilà ce qu'on peut dire aussi par approximation concernant cet état autre. On pourrait dire aussi peut-être que c'est quelque chose qui passe d'abord, en tous les cas dans le roman de Musil, par une transgression violente. Je pense à cette quasi-profanation du tombeau du père qu'il y a de la part d'Agathe au moment de la mort du père d'Ulrich et d'Agathe. Ce serait le côté bataille, alors à ce moment-là, dans Musil, et vous avez ça raison existe. D'y assister, mais bien entendu, ça existe, n'est-ce pas? Il y a ce côté violent, n'est-ce pas, et ressenti, et transgression est absolument important, autrement, il n'y a pas d'état autre, cet état autre n'est pas donné, il n'arrive pas d'en haut. Il faut le rechercher, il faut le gagner, donc dépasser un état existant. Ça c'est aussi, naturellement, si vous voulez, ce que Bloch appellera une utopie. C'est tout à fait certain. Même si l'atteinte et les idées qui sont derrière, n'est-ce pas, sont tout à fait différentes, n'est-ce pas, mais dans le dépassement postulé, n'est-ce pas, il faut le voir en parallèle, n'est-ce pas. Et pour vous, par exemple, l'échec de cette quête est quelque chose d'obligatoire, d'inévitable ? Cette recherche de l'autre état devait normalement et fatalement aboutir à l'échec ? Oui, parce qu'on s'approcherait trop de l'eau de rose si jamais il y aurait eu acquiescement et réussite. Il faut cet appel de quelque chose qui soit... autre, foncièrement différent, et de ce fait-là, inatteignable. Mais c'est la recherche, naturellement, de l'impossible dans la mesure où ce n'est pas fabulé. Ce n'est pas un roman utopique, comme on a dit tout à l'heure, n'est-ce pas, et qui retracerait ce qui n'aura jamais lieu, et parce qu'à ce moment-là, il n'y a peu de choses à retracer si jamais, nous sommes en plein dans la spéculation, bien entendu, si jamais l'état autre, on peut l'atteindre, eh bien, c'est la présence. Sans histoire, ça c'est extrêmement important, n'est-ce pas, en dehors de l'histoire, cet état privilégié où tout fait un, n'est-ce pas. Eh bien, je ne cache pas que c'est extrêmement tentant de s'adonner en spéculation là-dessus. Mais je ne sais pas si on peut aller très loin, faute d'un guide sûr qui serait le texte de Musil. Oui, mais je veux dire, Musil, lui, l'a fait. Oui, il l'a ébauché, vous avez dit vous-même, n'est-ce pas, qu'il doit l'interrompre, n'est-ce pas, cet état autre, n'est-ce pas, est décrit, c'est certain. Cet état autre se trouve sur le dos du récit. Parce que vous entendez par là. Par là, j'entends que cet état, une fois atteint, il n'y a plus rien à raconter. Non seulement l'histoire, mais aussi le temps s'arrête à ce moment-là. Et le romancier, très vite, se trouve, s'il ne veut pas s'adonner à quelques lyrismes, dans l'impossibilité de continuer le récit. Le discours, d'ailleurs, aussi, doit s'arrêter. Le choix du vocabulaire est restreint. Et à partir d'un certain moment, on a vite fait le tour. Et puisque tout fait un, eh bien, on n'a même pas des détails à ce moment-là à nous raconter, à nous donner, puisque tous les détails font un. Oui, comme dit Agathe à Ulrich, on n'a rien d'autre à faire qu'à être ensemble. À être ensemble, bien sûr, et ça, c'est le côté mystique, n'est-ce pas, qui est l'éternel présent, pas qui est donné normalement par la musique, pas. Et la musique est, comme nous savons, confinée dans le temps, justement, il y a musique et non musique. L'état autre est foncièrement contre l'art du romancier qui se coupe là de toute possibilité de continuer. Oui. Et c'est dans cette perspective-là aussi que ce roman naturellement attire énormément puisque nous sommes au seuil de ce qui n'est plus possible de donner au roman. À partir de cet autre état et au-delà de cet autre état, il n'y a plus d'histoire possible dans les deux sens du mot histoire. Voilà, bien entendu, bien entendu. Et Musil, avec toute sa lucidité, il nous le fait entrevoir et il nous met devant le fait d'ailleurs aussi de l'impossibilité de parler, n'est-ce pas ? Puisque le parler, naturellement, fait partie également de cet un qui n'a pas d'histoire. Il se résorbe en lui-même, pour ainsi dire. Et c'est l'arrêt total dans le mouvement sempiternel. C'est ça l'inachèvement aussi de l'homme sans qualité. Tout à fait d'accord. Là, sous cet angle-là, tout à fait d'accord. Puissance terrible de la répétition, terrible divinité, attrait du vide qui vous entraîne toujours plus bas comme l'entonnoir d'un tourbillon dont les parois s'écartent. Embrasse-moi et je mordrai légèrement tes lèvres, toujours plus fort et toujours plus sauvagement, toujours plus ivre, plus sanguinaire, épiant l'appel à la pitié, descendant le gouffre de la souffrance jusqu'à ce qu'enfin nous soyons agrippés à la paroi verticale, terrifiés l'un par l'autre. Alors viennent à notre secours les halètements de la respiration qui menacent d'abandonner le corps, l'éclat des yeux s'éteint, le regard dévie, le masque de la mort envahit le visage. Multiples délices mutuelles, stupeur tournoyant au cœur de l'extase. Vol ramassé en quelques minutes dans le ciel de la béatitude et de la mort, s'achevant puis recommencé, les corps vibrent comme des cloches hurlantes. Pourtant, on le sait bien à la fin, ce n'était que la chute profonde, pécheresse, dans un monde où la répétition vous mène un peu plus bas de degré en degré. Meine Seele wacht und lauscht. Oh, hörst du, wie es klingt, in den Palmen singt und lauscht. Hat mir ein Lied erzählt von einem Glück unsagbar schön. Er weiß, was meinem Herzen fehlt, für wen es schlägt und blüht. Er weiß für wen. Come. meinem Herzen das mir fehlt. Mathématicien de formation, Musil s'est beaucoup intéressé au calcul de probabilité. Normal pour un homme du possible. N'empêche que cet aspect mathématique, combinatoire et probabiliste, appliqué à ce qu'il est convenu d'appeler les choses de l'esprit, est transposé dans son œuvre littéraire avec une grande rigueur. C'était déjà une époque un peu pré-fasciste. Et on a naturellement, on était intéressé à ce que pense son voisin. Il a évité de parler politique. Par contre, il parlait beaucoup littérature. Et il m'a dit, quand on regarde votre vitrine, on est au courant de tout ce qui se passe dans la littérature moderne. On voit toujours d'ailleurs les mêmes auteurs, Zweig, Werfel, Wildgans, Josef Roth et naturellement votre ami Thomas Mann. Mais je dis, ça ne vous plaît pas parce que j'ai l'impression que c'est, dans sa façon de parler, c'était une critique sévère. Il m'a dit, pour vous dire vrai, non, je n'aime pas ces auteurs. Et je n'aime pas surtout Werfel. Il faut dire qu'en vérité, par la suite, j'ai appris qu'il haïssait presque Werfel. Pourquoi, M. Musil, vous n'aimez pas ces auteurs? Ce sont des auteurs qui écrivent trop. À mon avis, et voilà, c'est ce qui est typique d'ailleurs pour Musil, à mon avis, disait-il, un littéraire, un homme de la littérature, doit être d'abord l'homme scientifique. Un homme qui n'est pas scientifique ne peut pas écrire des romans. Musil a été incontestablement frappé par une chose qu'on pourrait résumer en disant que la chose caractéristique de l'époque, au fond, pour lui, c'est le fait que, en quelque sorte, notre morale est réfutée par notre science. C'est-à-dire, d'une part, nous avons une science qui évolue constamment, qui remet continuellement en question ses propres fondements, qui considère qu'il n'y a absolument rien d'assuré, que notre image du monde peut se modifier à chaque instant, dans des proportions considérables. Et puis, à côté de ça, nous avons une morale qui est restée constamment statique. C'est-à-dire, l'homme est absolument incapable de faire preuve dans les questions importantes, de la même capacité d'invention et de créativité dont il fait preuve dans des choses qui sont au fond secondaires. C'est-à-dire, il est beaucoup plus difficile d'être inventif en morale que de l'être en physique théorique, et pourtant il serait beaucoup plus important de l'être en morale ou, par exemple, en politique. Alors c'est cette discordance, je crois, qui a frappé Musil et qui l'a amené à se demander si on ne pourrait pas transposer au moins partiellement l'état d'esprit qui règne chez les scientifiques aux questions importantes, c'est-à-dire à des questions comme les questions morales. Autrement dit, essayer d'introduire un petit peu de la souplesse, de la flexibilité, de la disponibilité au changement qui caractérise le monde scientifique dans le monde philosophique, le monde de la réflexion sur les grandes questions. Il faut dire d'ailleurs que Musil est devenu progressivement assez sceptique sur cette possibilité, en raison notamment des événements dont il a été le témoin. Alors initialement, l'idée qu'il a eue, c'est d'appliquer ce qu'il appelle le mode de pensée fonctionnel aux questions qui ont trait à l'organisation de la vie collective, c'est-à-dire à tous ces problèmes qui actuellement sont un petit peu abandonnés au hasard ou à l'empirisme. Mode de pensée fonctionnel, ça veut dire, comme il le souligne, que on fait varier un élément et puis on essaie de voir ce qui pourrait en résulter pour les autres. Si on regarde ce qui se passe dans l'homme sans qualité, on s'aperçoit qu'au fond, il n'y a plus que des relations fonctionnelles réversibles de tout avec tout. C'est pourquoi Ulrich est un homme qui considère qu'il n'est absolument plus capable de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Parce qu'en soi, ça ne veut rien dire. Tout dépend, comme dit Musil, de... Ce ne sont pas les qualités des hommes qui sont bonnes ou mauvaises en elles-mêmes, mais tout dépend du type d'organisation qui les utilise dans un sens ou dans un autre. Alors c'est bien en ce sens-là que la morale est réfutée par la science, comme dit Musil, que deviennent le bien et le mal lorsqu'on s'aperçoit que ce ne sont plus des constantes, ce ne sont plus des valeurs fixes, mais comme il dit, ce sont des valeurs de fonction qui ne peuvent être interprétées qu'en fonction d'un certain contexte. Alors il faut essayer, aux yeux de Musil, de percevoir et d'exploiter le côté positif de cette situation. L'Homme sans qualité, c'est aussi, et peut-être avant tout, une formidable entreprise de déconstruction du modèle romanesque existant. La théorie y prend la place de la fiction, et le non-événement y a la part du roi. Titre du premier chapitre de ce roman de plus de 2000 pages, d'où, chose remarquable, rien ne s'ensuit. Voilà pour le pied de nez. En tout cas, le petit moine n'est plus maître chez lui, et le fil du récit linéaire est brisé. Son regard, ce qui nous a donné sur Vienne, c'est moins un symptôme de Vienne qu'une sorte de diagnostic, une autopsie post-mortem, un diagnostic posthume, un graphe pour lire Vienne. C'est pour ça, du reste, qu'on entre souvent romanesquement dans Vienne par lui, car il est le plus lisible. Et dans ce graphe, il y a deux points essentiels, me semble-t-il. D'abord, c'est que, à cause de sa naissance, en 80, parce qu'il a eu 20 ans, en 1900 peut-être, il a fait ce rapprochement ou cette équation entre 1900, le pivot du siècle, le tournant du siècle, et Vienne, le centre de l'empire du milieu. Et il a lié ça à non pas tellement la fin d'une époque que à la dislocation d'un mode de récit, donc le récit linéaire. Et il faut voir cela aussi en termes historiques et politiques. Sur la date magique pour montrer sa position un petit peu transitoire, il faut peut-être revenir à ce texte sur la date magique du siècle. Il dit dans L'Homme sans qualité, et Voltaire, son ami, avait été jeune dans la période aujourd'hui oubliée, qui suivit de peu le dernier changement de siècle, quand beaucoup de gens s'imaginaient que le siècle était jeune lui aussi. Et il y a une zone d'ombre, dit-il, avant. Ça a été une période de stagnation, et puis aussi on ne sait rien des 25 ans ou des 30 ans qu'il y a entre vos propres 20 ans et les 20 ans de votre père, c'est-à-dire pour Mosil, la période 1870-1900 est une sorte de zone d'ombre, et tout d'un coup en 1900, on a un sentiment, un bref sursaut de renouveau, le terme renouveau ou nouveau étant le terme qui a beaucoup servi à ce moment-là pour désigner tous les mouvements artistiques dans le domaine architectural, pictural et autres. Et ce qui me semble caractéristique de Mosil, c'est comment il voit dans ce changement de siècle une espèce de tiraillement entre ceux qui se précipitent vers le siècle nouveau et ceux qui s'accrochent encore, rôdent encore dans l'ancien siècle, comme on rôde, dit-il, dans une maison que l'on va déménager. Et surtout, qu'entre ceux qui se précipitent vers le siècle nouveau et ceux qui s'accrochent nostalgiquement à ce qu'il reste du siècle ancien, il n'y a pas de différence fondamentale. Et cette espèce d'écart, d'écartèlement entre les deux périodes, cette espèce de transition violente, convulsive et en même temps un petit peu terne. C'est de cela que Mosil est le diagnosticien. Et ce qu'il voit en 1900 au centre de l'Empire austro-hongrois, dans l'Empire du milieu, c'est le crépuscule du jeu. Du moi, et surtout il montre que ce moi est une fiction, est un effet de fiction, un effet de récit qui a été construit par le récit linéaire épique du 19e, comme si le jeu romanesque qui se trouve maintenant dépossédé de tout privilège à maîtriser le discours ou à maîtriser l'expérience, ce qui est son grand thème, la perte de l'eigentum, où le jeu n'est plus propriétaire de son expérience, mais n'est plus qu'un paramètre parmi les paramètres. Eh bien, dans ce désétablissement, dans cette dépossession du jeu, il lit la fin d'un récit linéaire qui a été calqué, en fait, sur ce qui est le paradigme même du récit 19e, la conquête napoléonienne. Et tout Vienne, en fait, n'a cessé de faire ce contraste entre le paradigme napoléonien de la conquête, la marche en avant linéaire qui donne une trajectoire sûre avec un avant et un après, et donc un lien de cause à effet qui donne le sentiment d'une logique dans l'existence et est un abri contre le chaos. Et au contraire, face à cette marche en avant du récit, qui en gros commence à Iéna, hein, il y a la dislocation du jeu, la dépossession du jeu, la perte de tout privilège à maîtriser l'expérience et cet effondrement du jeu qui devient forme vide. Hein. Et cela, hein, il l'analyse non plus sur le mode napoléonien, voire prussien, mais sur le mode de la dislocation lente de l'empire des Habsbourg, forme des formes. Dans l'idée d'en finir avec cette opposition entre l'âme et l'intellect qui avait cours à son époque, Ulrich, en réclamant par exemple sur le mode ironique un secrétariat mondial de l'âme et de la précision, veut introduire le positivisme dans les choses de l'âme. C'est que Musil se bat contre les leurres de la sentimentalité romantique, contre toutes les formes de fausse conscience et d'auto-mystification. La désillusion n'est pas triste. Il y a du charme dans la destruction du préjugé, dit-il avec Wittgenstein. C'est d'époque, ça, non? Je crois qu'il donne un assez bon exemple de ce que ça peut vouloir dire dans L'homme sans qualité, justement, oui. Notamment à travers les réflexions d'Ulrich, l'analyse que Ulrich fait de la situation de l'homme contemporain, qui consiste à appliquer, justement, sans aucune espèce de complaisance, des méthodes d'analyse qui sont des méthodes d'analyse scientifiques ou quasi-scientifiques. Il y a quelque chose de très typique dans l'attitude d'Ulrich qui apparaît au début, c'est-à-dire le fait que, pour Ulrich, il y a dans toute espèce d'entreprise scientifique une volonté de désublimation, c'est-à-dire une volonté de faire apparaître ce qui, à première vue, semble grand, noble ou sublime, comme étant en réalité quelque chose de, disons, tout à fait trivial, si vous voulez. Et Ulrich trouve que non seulement il y a une certaine sportivité, mais il y a également un grand plaisir à procéder de cette façon, c'est-à-dire à chaque fois que, comme dit Musil, une meilleure connaissance du mode de fonctionnement des glandes endocrines nous en apprend plus qu'un système idéaliste à 5 étages. Et c'est ça que Musil veut dire quand il parle d'appliquer à la connaissance de l'âme des méthodes positives du même genre que celles qui sont utilisées dans les sciences. C'est évidemment le genre d'idée qui est développé très longuement dans le fameux chapitre qui s'appelle « La science sourit dans sa barbe » où Musil dit que, au fond, l'instinct du scientifique est assimilable à l'instinct du chasseur ou du prédateur, alors que pour lui, l'instinct du philosophe est plutôt assimilable à celui du guerrier et du dictateur. Aux yeux de Musil, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce complexe de rationalité et de sentiment que constitue l'esprit, les deux éléments sont dans une situation qui est tout à fait asymétrique, parce qu'à ses yeux, l'élément qui est plastique, qui est susceptible de croissance, c'est l'intellect. Tandis que le sentiment est quelque chose qui, à ses yeux, ne peut pas véritablement évoluer. Alors ce qu'il faut arriver à faire, c'est à combiner ces deux éléments d'une façon véritablement créatrice. Ce que jusqu'ici, effectivement, à mon sens, en tout cas, l'époque contemporaine n'est pas parvenue à faire. Mais l'erreur à ne pas commettre aux yeux de Musil, et il l'a dit souvent dans ses essais, c'est de croire que les malheurs de l'époque actuelle proviennent uniquement de l'excès de mécanisation, d'industrialisation, etc. C'est-à-dire tout ce qu'on entend dire régulièrement de la part de ce que Musil appelle le cœur des combattants de l'âme et des inspirés, qui croient que notre problème provient du fait que notre intelligence a détruit notre âme. Il ne faut pas oublier que pour Musil, le concept d'âme, tel qu'il est utilisé par des gens comme Klages, par exemple, ou Spengler, est un concept essentiellement négatif. C'est un concept réactif, c'est-à-dire c'est ce qui s'exprime à travers lui, c'est pas autre chose que précisément l'incapacité de l'époque à dominer et à résoudre ses problèmes. En ce sens-là, il n'y a rien de positif ni de prometteur pour l'avenir dans la façon dont le concept d'âme est utilisé. pour le rapport de Musil à la politique, il semble que le problème soit assez compliqué. Musil était quelqu'un de tout à fait apolitique, comme d'ailleurs, à nouveau, beaucoup d'intellectuels viennois de cette époque. Sa position à l'égard de la politique est assez bien caractérisée par une phrase de l'homme sans qualité. Je pense au moment où il fait dire à Ulrich, où il caractérise la position d'Ulrich en disant qu'il n'était pas habitué à voir dans l'État autre chose qu'un hôtel dans lequel on a le droit d'être convenablement traité. Et au fond, il a toujours conçu la politique de cette façon. Il dit aussi quelque part dans ses carnets que le problème de la politique, au fond, c'est, on peut le présenter de la façon suivante. Les citoyens sont dans une sorte de fiacre. Le cocher doit être invisible. Le cocher, c'est évidemment les gouvernants. Et le cocher doit être invisible. Le fiacre doit aller bien droit et il ne doit pas tomber dans le fossé. Mais en dehors de ça, autrement dit, si vous voulez, ça revient à dire que Musil est quelqu'un qui sépare strictement les problèmes de la culture des problèmes politiques proprement dit. Pour lui, la politique a pour but de réaliser certaines conditions préalables à l'épanouissement de la culture, mais ne lui appartient pas. Je veux dire, Musil pense que ça n'est même pas possible, il ne lui appartient pas de favoriser directement la culture, simplement d'éliminer les empêchements qui pourraient s'opposer à la culture. Autrement dit, à tort ou à raison, Musil estime que sa tâche ne passe pas par la prise de position politique. Il a expliqué pourquoi il s'était abstenu presque systématiquement de prendre position sur le plan politique. Et il a fait remarquer à ce propos, il y a des gens qui m'objectent que la politique concerne tout le monde. Et la réponse que je donnerai, dit-il, c'est que l'hygiène concerne également tout le monde, mais ça ne signifie pas que je me sens un talent d'hygiéniste. Donc il est clair qu'il séparait assez rigoureusement les deux choses, ce qui, je crois, est sinon acceptable, ça ne me paraît pas acceptable, mais du moins tout à fait cohérent. La raison, c'est qu'au fond, la sphère de l'esprit et donc la sphère de l'explicitation des possibilités, la sphère de la politique, c'est au contraire la sphère de la réalisation au jour le jour. Et Musil pense qu'il n'y a pas de, il ne doit pas y avoir d'interférence véritable entre ces deux sphères. Il a peut-être tort sur ce point, mais il est certain que dans l'ensemble, ça apparaît très bien dans la communication qu'il a faite au Congrès international des écrivains pour la défense de la culture qui a eu lieu à Paris en 1935. Musil pensait manifestement qu'au fond, en ce qui concerne l'aptitude à favoriser le développement de la culture, il n'y a pas de très grande différence entre les régimes politiques existants. En particulier, bon, qu'ils soient de type socialiste ou démocratique libéral. Au moment du fascisme, il a eu cette déclaration assez révélatrice. Je ne sais pas si je la reproduis exactement, mais c'est à peu près ça. Je ne combats pas contre le fascisme, je combats pour la démocratie, c'est-à-dire également contre la démocratie. Autrement dit, Musil pensait, on ne peut évidemment pas le soupçonner d'avoir eu la moindre sympathie pour le fascisme, mais comme d'ailleurs également Wittgenstein, il le croyait d'une certaine façon inévitable, c'est-à-dire qu'il ne croyait pas à la viabilité et à l'avenir des régimes démocratiques. C'est-à-dire que sa pensée politique était certainement extraordinairement désillusionné. Ça, il n'y a aucun doute. C'est rien. Ce qui complique l'affaire, c'est que tout au long de son roman, Musil pose la question « Comment inventer l'histoire ?» au lieu de la subir dans tout ce qu'elle peut avoir de morne et de répétitif. Lassé de ce que l'homme ne fasse que s'aliéner sempiternellement dans des rôles, et de ce qu'entre les gens ce soit, comme il dit, toujours la même histoire, Musil prône le nouveau contre l'ancien. De ce point de vue, le nihilisme et les contradictions dans lesquelles se débat son héros sont plus que jamais les nôtres. Quand on lit les essais de Musil, on s'aperçoit que dans l'ensemble, il n'y a à peu près rien à changer à ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une certaine permanence des problèmes fondamentaux. Je crois que les grands problèmes ne changent pas tellement. et donc ils peuvent rester très longtemps non résolus. Et d'autre part, il y a également, ce qui est tout aussi typique, une permanence des pseudo-solutions. C'est-à-dire que, pour reprendre tout ce que Musil a dénoncé dans son compte-rendu du déclin de l'Occident de Spengler, en 1921, notre époque est marquée par ce qu'il appelle la nostalgie de la croyance, c'est-à-dire un besoin maladif de croire, justement pour sortir de cette indétermination extraordinairement pénible que je décrivais tout à l'heure. Et Musil répond à ça, on ne peut pas croire parce qu'on a décidé de le croire, mais en même temps, à ses yeux, il est fatal que ce besoin de croire s'exprime sous les formes les plus diverses, à la fois profanes et religieuses. Il cite à ce propos, justement, le nouveau romantisme de son époque, des choses comme le nationalisme, le racisme, le retour à la religion, etc. Et il est absolument évident que ce sont exactement les solutions que nous continuons à essayer et qui sont parfaitement vaines aux yeux de Musil, et à mon sens, il a tout à fait raison de le dire. Je crois que ce qui se passe provient du fait que une époque qui, comme il le dit, n'a pas compris exactement quelle est sa position et le genre de nouveauté qu'elle représente, une époque de ce genre est condamnée à la pseudo-nouveauté et au mouvement sur place. La petite Clarisse, la folle Clarisse, avait entièrement raison. On devait faire l'histoire, on devait l'inventer, même s'il venait de contester cela en sa présence. Mais pourquoi ne le fait-on pas? À ce moment, la seule réponse qui lui vint à l'esprit fut Monsieur le directeur Fischel, de la Lloyd Bank, son ami Léon Fischel, avec qui, de temps à autre, naguère, il s'était trouvé assis en été à la terrasse d'un café. Si ce monologue avait été un dialogue, Fischel lui aurait répondu à sa manière. « Je voudrais avoir vos soucis dans ma tête. » Ulrich lui suggérait de la réponse rafraîchissante qu'il lui aurait faite. « Mon cher Fischel, répondit-il aussitôt en pensée, « les choses ne sont pas aussi simples que vous le pensez. Je dis l'histoire, mais je veux dire, si vous avez bonne mémoire, notre vie. Et dès le commencement, je vous ai concédé qu'il y a quelque chose de choquant à demander ainsi pourquoi l'homme ne fait pas l'histoire, c'est-à-dire pourquoi il ne s'y attaque que comme une bête quand il est blessé, quand il a le feu à ses trousses, en un mot. Pourquoi il ne fait l'histoire qu'en cas d'extrême nécessité? Pourquoi ces questions sont-elles malsonnantes? Qu'avons-nous à leur reprocher quand elles signifient simplement que l'homme ne devrait pas laisser aller la vie humaine comme elle va? Les désarrois du professeur Robert Musil, Olivier Biegelman, Mehdi Eladj, avec la participation de Ina Chazot, Georges Schlocker, Pierre-Yves Pétillon, Marie-Louise Roth, Martin Flinker, Jacques Bouvresse. Les textes, extraits des désarrois de l'élève Torles et de L'homme sans qualité, étaient lus par François Meckel. I've been finding somebody. Nobody knows where the riverside comes. Say there are strays on the banks of the river. Somebody pulls out a big fat gun. Shoot him down. He's the one with the hands and blood. Shoot him down. He's the one with the hands and blood. Shoot him down. He ain't no good. He's the savior. He's yours. He's mine, mine, mine. Nuit magnétique. Dominique Erchard. Claude Courteau. Didier Cornier. Bonsoir. Une émission diffusée le 18 février 1981.